Chapitre 12e. Dès qu'elle aperçut Savary, Madame Vidal s'avança vivement pour lui reprocher sans doute de forcer ainsi sa porte, de pénétrer chez elle malgré ses ordres. Mais il ne lui laissa pas le temps de parler, et s'emparant des mains de Julia, sans qu'elle pût se soustraire à cette étreinte, l'obligeant à l'écouter, il lui dit tout ce que peut dicter la passion la plus exaltée et la plus désordonnée. « Je ne vis que par vous et pour vous !» s'écria-t-il. « Sans vous, je me tuerais. L'existence m'est devenue odieuse. J'ai manqué ma vie. Je suis un être inutile, vicieux, corrompu. Je me fais horreur à moi-même. Ayez pitié de moi. Vous pouvez me régénérer. Un de vos regards me rendrait meilleur. Une bonne parole, un sourire, un encouragement. Et j'acquiers toutes les vertus que je n'ai pas. Une semaine passée sans vous voir, mais c'est un siècle, madame. C'est un siècle. Si vous saviez tout ce que j'ai souffert pendant ce temps. Au moment où je vous ai aperçu derrière vos rideaux, mes forces, mon courage m'abandonnaient. Je crois que j'allais prendre un violent parti. Oui, c'est si difficile de vivre quand on est malheureux, si facile de se tuer. J'étais bien pas, n'est-ce pas? J'ai dû vous faire pitié. Mais vous ne m'écoutez pas. Vous êtes distraite lorsque je vous crie ma douleur, lorsque je vous livre ainsi mon cœur tout entier. Écoutez-moi, madame. De grâce, écoutez-moi. C'est sérieux, je vous assure. Quel intérêt aurais-je à vous tromper? Je vous jure que c'est sérieux. Je souffre beaucoup. Un homme qui souffre cependant, qui pleure comme je pleure en ce moment, mérite qu'on le prenne en pitié. Il s'arrêta, ses larmes le suffoquaient. Julia était étonnée de ce langage entièrement nouveau pour elle. Son mari lui avait parlé le langage de l'amour, mais celui de la passion, elle l'entendait pour la première fois. Savary reprit. Si vous aviez résolu de m'éloigner aussi vite, pourquoi m'avez-vous reçu? Pourquoi m'avez-vous fait un bon accueil? Ne vous aperceviez-vous pas que je m'éprenais peu à peu de vous? Ne lisiez-vous pas dans mes yeux que je vous aimais? Ah, une femme ne se trompe pas sur ces choses-là. Elle n'a pas besoin qu'on se jette à ses genoux et qu'on lui crie « je vous aime » pour se sentir aimée. Vous saviez que mon cœur ne m'appartenait plus. Je vous l'ai donné et vous l'aviez tacitement accepté. Ne vous récriez pas, vous l'aviez accepté, vous dis-je. Et vous n'avez pas le droit, par caprice, de le martyriser. Quel mal vous ai-je fait, moi? Quelle faute ai-je commise envers vous? Aucune. Il m'est donc permis de vous dire, vous avez tort aujourd'hui vis-à-vis de moi, ou vous avez eu tort autrefois. J'ai eu tort, dit-elle doucement. Elle était sincère et vraie en ce moment. Convaincue de la culpabilité de Savary, obéissant aux influences de Vibert, croyant accomplir un devoir sacré, elle avait consenti à jouer une comédie indigne d'elle, et que réprouvait sa nature droite, honnête et loyale. Peu à peu, elle s'était étourdie sur les dangers, le côté odieux de cette entreprise. Passionnée dans tout ce qu'elle faisait, elle en était arrivée même à s'éprendre sérieusement de son rôle. Mais depuis quelque temps, ses convictions avaient été ébranlées. Elle commençait à douter de la culpabilité de Savary. Elle se disait que s'il n'était pas coupable, la comédie qu'elle avait jouée était odieuse. Il avait raison de l'accuser, de se plaindre, de lui reprocher ses souffrances. Peut-être même avait-elle des torts à réparer envers lui. Pendant que ses pensées traversaient l'esprit de Julia, Savary, de son côté, réfléchissait. L'homme véritablement épris n'est jamais bien intelligent avec la femme aimée. Ses finesses, ses roueries habituelles ne lui servent plus. Il se livre à tout propos, le plus maladroitement du monde, commet des fautes impardonnables et ne sait pas profiter des fautes de son adversaire. Savary, renommé jusqu'à ce jour pour son habileté en matière de galanterie, n'était plus, vis-à-vis de Julia, à la hauteur de son ancienne réputation. Cependant, il y a des éclaircies dans la passion. Tout à coup, les nuages qui troublaient la vue se dissipent. On voit clair et on voit juste. On se dit « c'est ici qu'il faut frapper » et on redevient habile pendant un instant, jusqu'à ce que le ciel s'obscurcisse de nouveau. « J'ai eu tort, c'est vrai, » avait dit Julia. Donc elle s'attendrissait, elle était touchée. L'éloquence de Savary avait produit une impression sur son esprit, sinon sur son cœur. C'était un pas de fait bien petit, mais il fallait s'en contenter et en profiter le plus vite possible. Il était surtout important qu'après s'être avancé, Julia n'eût pas de raison pour reculer. Savary ne devait pas l'effaroucher par trop de précipitation. Aussi, plus calme, plus maître de lui depuis l'avantage qu'il croyait avoir obtenu, il ne parla plus le langage de la passion de peur d'intimider Julia. Il s'assit à ses côtés, il essaya de lui persuader qu'elle ne pouvait pas lui refuser sa porte, qu'elle devait le recevoir de temps à autre, et essayer de le guérir peu à peu du mal dont il souffrait. « Ayez quelques ménagements, lui dit-il. Traitez-moi comme un malade, comme un convalescent, et je recouvrerai la santé. » C'était le seul langage qu'il devait tenir à une femme comme Julia. En toute autre circonstance, elle eût été certainement persuadée. Seulement, elle se trouvait dans une position exceptionnelle. Elle n'était plus assez convaincue de la culpabilité de Savary pour continuer à jouer le rôle qu'elle avait accepté. Elle renonçait à pousser plus loin son entreprise. Elle refusait toute complicité avec Vibert et résiliait l'espèce d'engagement qu'elle avait tacitement contracté avec le juge d'instruction et la justice. Mais en même temps, elle n'était pas assez sûre de l'innocence de Savary pour signer le pacte qu'il lui proposait, du moment où il planait sur lui l'ombre d'un soupçon. Elle devait l'exclure de son intimité. Aucun des raisonnements, aucune des prières de Savary ne pouvait la toucher. Son cœur devait rester insensible aux plus habiles séductions. Le présent et l'avenir ne lui appartenaient pas, tant que les ténèbres qui enveloppaient le passé ne seraient pas dissipées. Elle s'arma de courage et, s'avançant vers Savary, elle lui dit « Si vous m'aimez, comme vous l'assurez, si vous respectez votre amour, si vous me respectez moi-même, quittez-moi, monsieur, je vous en conjure, et ne cherchez plus à me revoir. Oh !» s'écria-t-il avec désespoir. « C'est tout ce que vous trouvez à me répondre. Je ne puis pas, croyez-le, vous répondre autrement. Mais vous me brisez le cœur. Hélas !» dit-elle avec tristesse, « ce n'est pas ma faute. Au moins, reprit-il avec des larmes dans la voix, « apprenez-moi le motif de tant de froideur, de tant de dureté. Non, cela m'est impossible, je vous jure que cela m'est impossible. Ah, c'est trop souffrir, c'est trop souffrir !» s'écria Savary, qui se laissa tomber sur un fauteuil et porta ses mains à son front, comme pour comprimer sa douleur prête à éclater. En ce moment, Marietta pénétra dans le salon et, s'avançant vers Madame Vidal, lui dit à l'oreille, « On te demande. Qui ?» Une personne que je ne connais pas, cela paraît important. » Julia se leva, et sans regarder Savary qui lui-même ne tourna pas la tête de son côté, elle suivit Marietta dans l'antichambre. Elle y trouva un des garçons de bureau du palais de justice. « Madame, lui dit cet homme, M. Gourbet, juge d'instruction, m'a chargé de ne remettre cette lettre qu'à vous. Donnez, fit-elle. » Elle prit la lettre, et tandis que Marietta reconduisait le garçon de bureau, elle rentra dans le salon, s'approcha d'une croisée et lut ce qui suit. « Madame, il est de mon devoir de vous prévenir au plus vite que nous avons enfin découvert l'assassin de votre mari. C'est un nommé Langlade, forçat en rupture de ban. Nous avons contre lui des preuves accablantes qui ne nous permettent pas de douter un seul instant de sa culpabilité. Du reste, il a fait des aveux. Tous les soupçons que nous avions conçus contre le sieur Albert Savary doivent disparaître. L'espèce de surveillance à laquelle il était encore soumis cesse dès aujourd'hui. Je m'étais associé de cœur à votre légitime douleur, madame, et je suis heureux de vous dire enfin que la mort de votre mari sera bientôt vengée. Recevez, madame, l'assurance de ma haute considération et de mon dévouement. Signé Gourbet. » Elle relut deux fois cette lettre pour se convaincre qu'elle ne se trompait pas, puis elle marcha vers la cheminée, jeta la lettre au feu et s'avança vers Savary. Il avait levé la tête, il la regardait venir sans comprendre ce qu'elle lui voulait. Quand elle fut près de lui, elle dit doucement « Je vous ai fait beaucoup souffrir, pardonnez-moi. Et ne me demandez jamais l'explication de ma conduite passée. J'ai des torts à réparer envers vous, je les réparerai. » À peine avait-elle dit ces mots qu'elle éclata en sanglots.